Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et oui, c'est toujours aussi bon, évidemment. Nous sommes jeudi. Tiens, c'est étonnant. Nous sommes jeudi dans l'émission 120 au compteur. Vous l'avez compris, eh bien, on a changé de jour. On est passé du mardi au jeudi. Tout ça à cause de Sherlock, évidemment. Donc, Ah, t'es dégueulasse. Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Donc, pour des raisons personnelles, effectivement, ben, vous allez nous écouter maintenant le jeudi. J'espère que ça va, vous allez comme il faut. On a un petit problème technique, je crois, dans les studios. Il y a Sherlock qui fait des drôles de gestes. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, mon ami Sherlock? J'ai un son, un sifflement, en fait. Ah, d'accord. Ben, règle. Est-ce que vous n'auriez pas mis vos téléphones trop près des micros? Non. Pas du tout. Non. Non, bah écoute. Bon, c'est pas grave, on continue. Si en tout cas, bah, si vous entendez des sifflements, surtout envoyez-nous un petit message pour nous prévenir. Comme ça, on va essayer de faire les réglages qui s'imposent. Donc sur la page Facebook de l'émission. Voilà, donc sur un peu compteur, n'hésitez pas. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans ce studio? C'est un vrai bordel ici, dans tous les sens. Donc voilà. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, du coup, hein, puisqu'on est jeudi, on est plutôt en fin de semaine. Et puis, ben, on est content de vous retrouver sur les ondes de RLM avec l'adorable, la magnifique, la talentueuse, l'irrésistible Onissa. Allô, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bah, quand moi je suis en face à toi, je suis super bien. Mais je parlais aux auditeurs et aux auditrices. Tu vas nous faire une belle petite chronique. Oui, tu vas nous parler de Starkey et. Ah ouais, cool. Avec David Soul et Paul Michael Glaser. Yeah. On est aussi, bon, on va continuer dans la même veine féminine, puisque nous sommes aussi avec Marine. Bonsoir. Bonsoir Marine, alors elle fait des gestes en même temps. Ouais, ouais, mais. Genre elle est à la télévision. À la radio, Ah, c'est la radio, ma chérie. Bah, je vous fais bonsoir à vous. Bah, alors, oui, Marine, tu vas nous parler d'un événement qui va avoir lieu d'ici quelques semaines. Non, une semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, ouais. Tu vas nous parler des 24 heures de Boucron. Ouais, pour préparer votre week-end la semaine prochaine. Pas mal, et on rappelle que 24 heures, c'est pas 3 jours. Si, mais là, ouais, c'est un bon 24 heures, dimanche, c'est 3 jours. Oui, d'accord. Et tu nous en parleras dans le détail, bien évidemment. Ponctué tout ça, évidemment, par la musique de notre ami Sherlock, mais aussi de chroniques qu'on adore. Oui, alors le rétro-ciné, effectivement, donc à 21h. Ouais, quelle année? 2000. Ah, bien. Et ensuite, je parlerai des sorties ciné, donc d'hier. Parce qu'avant, je faisais celle du lendemain, maintenant, je fais celle de la veille. L'avantage, c'est que maintenant, tu vas pouvoir les voir. Ou pas. Ou pas, j'ai pas eu le temps. Alors, attends, on va dire bonsoir Harry. Bah, bonsoir Harry. Ah bah non, on t'accueille quand même. Ah bah c'est gentil, mais j'allais faire aussi, j'allais dire bonsoir à tous. Moi je vais vous parler aussi de deux événements qui nous tiennent à cœur. Alors il y en a un qui va avoir lieu le premier week-end d'octobre et c'est en partenariat avec RLM. Donc c'est la Delta Fête et je vous en parlerai en long, en large et en travers. Je vous parlerai aussi également donc d'un spectacle qui aura lieu ben, du coup le deuxième week-end d'octobre, et là ce sera de l'autre côté de la frontière, qui s'intitule Paris on t'aime, un spectacle qui me tient aussi à cœur et on saura pourquoi aussi, et bien sûr je vous dirai pourquoi bien sûr, ouais. Et on vous parlera aussi du concours Icing puisqu'on a des nouvelles. Oh, voilà, cool. Richard Alexandre qui participe donc au championnat du monde à Paris et qu'on avait reçu il y a quelques semaines dans les studios, ben on aura la possibilité de donner quelques petites nouvelles. Ok, très bien. Oui, bon, effectivement, mais j'étais pas dans la conversation. Répéter, il a rien compris, je pense. Mais si, Icing, Richard Alexandre, mais bien sûr, 107.9 FM, et c'est l'émission 120 au compteur. Ouais. On reprend donc le jeudi. Eh oui, parce que la semaine dernière, c'était le mardi, et là, on change. C'est un coupeur musical. Hein. Ah bon, bah d'accord. Bon, bah allez, on se retrouve tout de suite après ça, alors. C'est parti.

dernière sur la fréquence. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et c'était Lena Lena des Toubelgen. Moi, je voudrais vous parler de week-end prochain. Il y aura les 24 heures à Moucron. Ça va se passer à la plaine de Necker. Donc, ça va se passer pendant 3 jours. Le vendredi soir, il y aura les Puppet Masters en concert suivi des Magic System. Si vous souhaitez des préventes, c'est disponible jusqu'au 26 septembre. En prévente, le prix est de 27€ et sur place 32€. Les 24 heures pour la 40e édition, ce sera pour le projet Jaula Palestine. Donc l'idée, c'est de rendre accessible aux Palestiniens l'art musical grâce à la récolte de fonds pour acheter des instruments de musique et envoyer des professeurs pour leur apprendre la musique en Palestine. Voilà, donc ça se passe le week-end prochain. Donc vendredi sort le concert des Puppet Masters et Magic System. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.24heuresdemoucron.be. Et voilà. Ok. J'ai entendu qu'il y a des places apparemment à gagner pour les Magic System. Oui, c'est ça. Donc ça va se passer. Donc il faudra être à l'écoute de RLM. Donc tous les matins avec Arnaud Tirard de 7h à 10h. Et je veux. Voilà. Ok, très bien. Ah bah c'est super. Et donc nous, on va se retrouver tout de suite après des titres à la suite. Allez, c'est parti. Maman a tort, c'est pour l'amour, c'est à l'hôpital, oui. C'est toujours aussi bon avec un titre que j'adore, Cock Robin, avec The Promise You Made, c'est ça hein? Non, pas du tout. Ah, c'est un déconneur. T'avais une chance sur trois, on va dire, hein, c'est Just Around the Corner. Ah, Just Around the Corner, absolument, ouais. J'aurais pas dit ça. C'est bon, je me suis trompé. Ça c'est parce que tu disais que tu préférais l'autre, alors du j'ai coup, fait une bourde, trompé. Tiens, tu vois, cette semaine, je n'ai fait que des bourdes, des bévues et des gaffes, donc c'est pour ça. Donc, ouais. Oh, toi, tu aimes Gaston Lagaffe. Ouais, bah, absolument. Parce que bah, c'est un titre d'un de ses lames. C'est ça. Ouais, absolument. Bah, en parlant de boulettes. J'aurais mal pris, moi. Oh non, moi pas. Donc vas-y, alors tu vas nous faire une chronique. Oh, bah, écoute, en parlant de boulettes. En parlant de boulettes, tu vas nous faire une bévue, donc c'est-à-dire une chronique. Et tu vas nous parler. Bévues, oui, avec Starkey Hutch. Ah bah ouais. Alors parle-nous de Starkey Hutch. Ah quand même, super souvenir de Starkey Hutch. Donc c'est une série américaine en 2 épisodes. 92 pour les habitants français. Oui, voilà. Donc il faut savoir qu'en 2004, il y a eu un film qui a été sorti et que Starkey a été créé par Ben Stiller et Hutch par Owen Wilson. Quel horreur. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir avec le personnage. Owen Wilson, il est affreux comme mec. Ouais, sois pas jaloux. Donc, Starkey, c'était Paul Michael Glaser. Il a grandi dans la rue et lui, il est plutôt naïf et introverti, si vous vous souvenez. Hutch, c'est le beau blond d'abord, hein, David Soul. Plus réservé et réfléchi, c'est lui qui prend toutes les décisions. Donc, quels sont les personnages qui ont fait les voix françaises? Ah, bah ouais, Jacques Balutin. Ouais, Jacques Balutin qui faisait Starkey et Francis Lax qui faisait la voix d'Harrison Ford dans une des. Au début, ouais. De c'est Indiana Jones. Alors, il faut savoir que grâce à ces deux personnages-là, la série a eu beaucoup plus de succès parce qu'eux, ils ont en fait transformé et ils faisaient des blagues et ils ont mis plus des réflexions comiques, ce qui va vraiment contribuer au succès de la série. Mais c'est-à-dire qu'ils ont adapté à l'humour français, c'est ça? Oui, et puis ils rajoutaient, tu sais, c'était assez américanisé. Et eux, quand ils ont fait les voix, bah, ils rajoutaient, bah, comme ils s'entendaient super bien, ils rajoutaient des expressions comiques et ce qui plaisait beaucoup au public français. Ouais, donc la série, en fait, est beaucoup plus sérieuse, quoi. Donc, à l'origine. Oui, et alors il faut savoir que la série était très, très, très violente. Et par contre, à partir de 77, il y a eu un problème. Les scénaristes ont dû couper toutes les scènes d'action et plus avoir au profit de scènes plus comiques et romantiques parce qu'il y a eu un problème avec la TV américaine. Il y a eu une campagne qui a été lancée contre la violence dans les séries américaines. Donc ils ont dû adapter, ce qui fait que ben, 2 ans après, en 79, la série s'est arrêtée parce qu'ils avaient perdu l'âme de la série et que c'était plus donc qu'est-ce qu'il y avait comme autre personnage? Guy et bon tuyau. Ah, ouais, il était excellent, lui. C'était tenu par Antonio Fargas. Ouais, ouais. Voilà. Dit Guy et bon tuyau, bien sûr. Il y avait le capitaine Dobé. Oui. Ah, Dobé. Ouais. Qui était toujours en train de râler. Ouais, mais qui les protégeait quand même. Oui, bien sûr. Le gros black, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, le nom de la patrouille, c'était quoi? Zebra 3. Ouais, cool. Oh là. Ouais, ah ouais, ouais. Zebra 3. Et alors, la voiture, la Ford Gran Torino rouge zébré blanc, qui était typique, oui. Elle a été quand même reproduite à 1000 exemplaires. Pour, parce qu'il y avait des fans de la série et qu'il fallait absolument. D'ailleurs, il y a un des grands fans qui a prêté sa voiture pour faire le film en 2004. Ah ouais, ah, ouais. Bien. C'était la voiture d'origine. Et il faut savoir quand même que Hutch adorait la voiture, mais que Starkey l'a détestée. Parce que c'était une voiture, t'as l'impression qu'elle était hyper puissante ici et là, et c'était un veau. Ça se voit pas. Ah ouais, c'est le problème des voitures, ouais, en fait, voilà, c'est comme ça. Mais c'est très grand, une Gran Torino. Ouais, voilà. Ça fait 5m43, je crois. Ouais, c'est ça. 5m43 de long, hein, quand même. Donc, C'est bien pas grave. Pour les créneaux, ouais. Marine, elle a ton permis? T'es en train de passer le code, peut-être. Si tu peux me permettre, c'est un point qu'elle n'aime pas aborder. Non, non, mais... C'est elle qui a lancé le sujet. Mais ça c'est une réflexion de quelqu'un qui est en train de passer le permis, justement. Ça, ouais. Ça, c'est vraiment le truc. Il faut savoir quand même que ça a été diffusé sur TF1 en 78 et puis ça s'est arrêté en 84. Bon, après, il y a d'autres chaînes qui ont pris le film, mais c'est vrai que une fois que les deux personnages principaux ont arrêté, qu'ils ont essayé de refaire le film, ça marchait plus pareil. Il n'y avait plus l'âme, et puis nos souvenirs, toujours pareil, moi, mes chroniques, les souvenirs que nous, on a de l'enfance, on n'aime pas que ça change les personnages. En sachant quand même que Paul Michael Glaser a produit quelques films, hein, quand même, oui. Dont j'ai oublié les titres, mais. Running Man. Ah oui, avec Schwarzenegger. Il fait une apparition, donc il fait un cameo, je crois. Je sais pas. Ah, ça, je ne l'aurais pas dit. Je sais pas, je pense pas, non. Mais il a eu aussi des problèmes avec sa femme. Sa femme était très malade aussi à l'époque, je crois, de la fin de la série. Donc, et puis ils avaient trop de contraintes. Ils n'avaient plus l'esprit, tu sais, allez, pas de violence, mais d'action ici et là. Donc bah, eux, faire des scènes romantiques, c'était pas vraiment leur problème. Question bête, ils vivent encore ou pas? Oui, oui. Ouais, ouais. Si, ils vivent encore, oui. Bien sûr. Je ne sais pas, mais ils doivent plus être tout jeunes quand même. Bah, ils ont vieilli. Hein. Mais bon, c'était une chouette série, moi j'aimais bien. Moi aussi, c'est vrai. C'était trop cool. Ouais, j'ai passé le générique en fond. Ah bon, allez, je vais la rechercher de cette là. Alors. C'est en direct, hein, comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de. De préparation. Ouais, il n'y a pas de préparation. Je l'avais mis tout à l'heure, mais comme vous s'en foutiez, bah voilà, je l'ai retiré. Comme d'hab. Hein, voilà. Dans le bateau pour allez, on s'écoute un petit peu le générique. Je connais que le générique, j'ai jamais regardé plus. Je l'ai su, mais là, ça me revient pas. Et il faut savoir quand même qu'il y a eu 4 saisons en DVD. Hein. Ah, quand même, hein. Alors, bah, dis-nous. Je sais pas. Ah, non, j'y crois pas. Salaud. Attends, nous, on voulait savoir quand même. C'est Lionel Leroy. Ah oui, d'accord. Oui, qui a également chanté. Voilà, alors, il semble qu'il a chanté Albatros. Non, le mari de Sheila, Lionel Leroy. Ah bon, ça a été un de ses maris. Ouais, parce que. Ouais. C'est ce que Wikipédia me dit. Yves Martin. Ah, c'est des fossiles, moi j'adore. Eh ben écoute, on va. Huggy l'éventuier, mais moi j'aimais bien, moi, Huggy. Ah, Huggy l'éventuier, ouais, j'adorais. C'était le gars complètement détaché, tu vois, il n'y en avait rien à foutre. Bon, il devait dealer un petit peu quand même, à ouais, mon avis. Même, voyant le personnage, mais il était toujours. Oui, il est mort il n'y a pas très très longtemps, ouais. D'ailleurs. C'est Albert Ogier qui faisait sa voix. D'accord. Ouais, ça je connais. Allez, Jacques Balutin, Francis Lalanne. Jacques Balutin et la crampe. Oui. Ouais, c'est ça après les autres. Eh bien, on continue en musique. Bien sûr. Yeah. Allez, c'est parti. Thank you. Sur RLM. Oui, vous êtes toujours sur RLM en direct, évidemment. Maintenant, c'est le jeudi, vous l'avez compris, dans l'émission 120 au compteur, et on vient d'écouter X-Train. Oui, avec le titre All Hearted. Alors, tu nous disais hors antenne qu'effectivement, c'était pas un titre le plus connu. Non, bah en fait, en France, ils ont sorti More Than Words, qui a cartonné au top 50 à l'époque. Oui. Mais le deuxième titre, en fait, qu'ils ont sorti, c'était celui-ci, et qui est passé complètement inaperçu. On comprend. Non, parce qu'il est très bien, je trouve. C'est un très bon titre, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nuno Bettencourt, est l'un des deux chanteurs de X-Train, même s'ils sont plus dans le groupe. Rien à voir avec Ingrid, Non, pas du tout. C'est ça, je pensais, moi. Rien du tout, non. D'accord. Alors, tout à l'heure, Marine nous parlait d'une idée sortie pour les 24 heures, donc de Moucron, très bonne idée. Moi, je vous parlais aussi d'une autre idée de sortie, alors c'est le 14 octobre. Donc, je vais parler du 14 octobre. Je vais parler du 14 octobre en premier. Donc, un spectacle qui s'intitule Paris, on t'aime. Par la troupe de temps en temps, donc une troupe de Waterloo. Alors c'est un spectacle qui à l'origine avait été fait pour les Américains, puisqu'il y a eu une tournée aux États-Unis en Floride, Orlando et à Miami. Et donc ce spectacle a été francisé, voilà, tout simplement. Donc c'est un spectacle qui mêle comédie, chorégraphie et qui vous emmène à Paris, à la fois dans les monuments de Paris, les meilleurs quartiers de Paris, qui vous parle aussi de l'histoire de Paris. Alors on va parler de la Révolution, on va parler de la Révolution française, des droits de l'homme, en passant par la place Vendôme, en passant par les Champs-Élysées, en parlant de la Tour Eiffel bien évidemment, et du Moulin Rouge, alors ça évidemment. Et donc c'est tout ça, c'est un spectacle entier, donc encore une fois, chorégraphie, comédie. J'en fais partie, voilà, donc c'est pour ça que j'en fais un peu de promo. Ça aura lieu donc le 14 octobre 2018, forcément, au CSE à Waterloo, donc c'est dans le centre de Waterloo. Là, c'est donc il y a deux séances, on a une à 14h, une à 17h. Alors si vous souhaitez réserver, prendre vos billets, bah, vous allez dans toutes les bonnes crèmeries. Hein. Il y a la Fnac, il y a Leclerc, il y a Auchan, il y a Carrefour, il y a Cora, il y a Cultura, il y a Intermarché, il y a Géant. Enfin bref. Ouais, j'ai toutes les billetteries. Mais voilà, dans toutes les billetteries, vous pourrez trouver donc des places pour Paris on t'aime. Ce sont des représentations où c'est très vite rempli, donc faites vite. Et puis, oui, alors. Tu me demandes le prix. En pré-vente, c'est 13,80€. Ah, oh, c'est démocratique, dis donc. Voilà. Alors, par contre, à partir du 1er octobre, si vous n'avez pas pris votre ticket, c'est 16,80€. Donc, profitez-en. Vous avez encore 2 semaines pour vous procurer vos places. Et bonne nouvelle. Bonne nouvelle, puisque la troupe de temps en temps aime RLM. On vous offrira à partir de la semaine prochaine des places pour participer. Ah, cool. Voilà, et pour pouvoir venir voir donc le spectacle Paris on t'aime, je vous le rappelle, qui aura lieu donc le 14 octobre 2018. Mais Arnaud Tirard vous en parlera dans les matinales. Nous, on vous en parlera dans nos émissions et on partagera aussi les. Et on partagera aussi donc l'événement sur notre page Facebook 120 au compteur. Et vous, de votre côté, surtout, n'hésitez pas, je sais, l'eau férigineuse, c'est bien, mais l'alcool, c'est mieux. Attends, si tu veux, je rembobine. Voilà, donc c'est Paris on t'aime, au CSE, Centre Socio-Éducatif de Waterloo, le 18 octobre, séance est 14. Le 14 octobre. Le 14 octobre. Rembobine encore une fois, va. Alors par contre, le prix, ça me paraît bizarre, c'est un prix avec des virgules, quoi. D'habitude, c'est les prix ronds. Ouais. Et là, 16,80€, tu vois. Bah, 13,80€. Oui, mais après, c'est 16,80€. Ouais. Alors, c'est très simple. Si tu as envie d'en donner 17, tu peux. Comme non, mais je me doute bien. Je me doute bien, mais alors pourquoi ça n'a pas été 17 ou 16€, tu vois. Écoute, j'en sais rien. Moi, je suis pas. Mais c'est vrai que. Pas dans la c'est pas, mais c'est particulier quand même. Bah, 16,80€, tu vois. C'est pour marquer les esprits. C'est vrai. Voilà. C'est pas plus mal d'ailleurs comme ça. Et vous serez d'autant plus marqué si vous venez voir le spectacle. Et vous pourrez voir Harry. Oui, en chair et en os. J'ai le plaisir effectivement de faire la présentation, d'être comédien dans la troupe. Et rassure-moi, tu chantes pas. Si. Ah. Et toc, prends ça dans tes dents. Tu serais étonné. Ah oui, étonne-moi. Ah bah, bien sûr. Hein. Je peux même vous faire un petit extrait si vous voulez. Non, merci, ça va aller. Non, on va passer de la musique. Ouais, on va. Ça marche. Allez, à tout de suite. Thank you. Jean-Marie. Tout le monde. première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Eh oui, toujours dans l'émission 120 au compteur. Il est exactement une heure certaine. 20h51, comme nous le dit si bien Marine. Oui. Et d'ailleurs, elle va garder la parole puisque tu vas nous parler aussi d'un autre événement qui aura lieu au mois d'octobre. Dites donc, ça va être bien riche ces prochaines semaines. Un événement organisé par notre ami Jean-Marie Oudemaker. Oui, et ça va se passer au domaine de la Blumerie le samedi 13 octobre. Donc c'est une soirée 80, 90 et 2000 avec DJ Pimpon et Arnaud Tirard qui seront au platine. Je vous dire que je me dis, ça y est, la Parkinson. Maintenant, DJ Pimpon va nous mettre le feu. Oui. Bah, on l'avait vu. Et Arnaud Tirard va nous l'éteindre. Non, je déconne. Et du coup, on avait vu DJ Pimpon à la soirée Fred and the Healers. Oui, exact. Il y a quelques mois, et c'était vraiment bien. Ouais. Et donc, au niveau des préventes, les préventes, elles sont à 10€, et sur place, l'entrée, elle est à 13€. Et où donc, on peut acheter les... Donc, vous pouvez aller à la table des mies, à la friterie Jo, au café Le Plan B et au domaine de la Blumerie. Ou par téléphone. Ou par téléphone. Ouais. Au 06 73 10 52 56 ou le numéro de la Blumerie au 056 33 12 87. Et quelque chose me dit que vous aurez la possibilité dans les semaines à venir de remporter aussi vos places sur les ondes de RLM à la fois dans les matinales de notre ami Arnaud Tirard qui en plus sera derrière les platines. Et que très certainement nous aurons l'occasion d'avoir la visite de notre ami Jean-Marie dans notre émission 120 au compteur pour nous parler bien sûr de la soirée et peut-être faire gagner des places à nos amis auditeurs. C'est toujours des superbes soirées ça. C'est clair, mais il y a toujours beaucoup de monde. Hein. La dernière fois je pense que, enfin pas Fred and the Healers, mais celle d'avant, les soirées... Je crois que c'était 80-90 ou quelque chose comme ça. C'est 69-99. Il y avait, à peu près 1200 personnes. Plus que ça. C'est énorme. Donc c'est vraiment énorme. Et l'ambiance, elle est terrible. Fred and the Healers, il y avait déjà beaucoup de monde. Oui. C'était pas une soirée comme ça. Mais après, Fred and the Healers, c'était aussi un cas un peu particulier parce que c'est jazz, blues et de ce fait-là, ça parle forcément à moins de monde. Mais il y avait déjà beaucoup de monde. Alors les soirées comme ça, mais limite. Mais par contre, on est nombreux. Mais alors, service de sécurité nickel. Franchement, les l'organisation. Propres. Tout est propre. Ben, ça, j'aime c'est bien vrai. Ces carrés, ça s'arrête qu'à ça en fait. Moi, j'ai les toilettes sont propres. L'ambiance, elle est top. La bouffe, génial. Ouais, et les toilettes sont super propres. Elles sont propres. Ouais, Allez, on se retrouve après ça. We'll be right back. Manson, c'est Jim Manson. Ici sur la radio RLM que j'aime. Et j'espère vous voir tous, est-ce que je vous aime. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh oui, c'était Jim Manson qu'on avait eu en interview. Une belle interview, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre page 120 au compteur. Oui. Voilà, donc une belle rencontre avec elle, parmi d'autres rencontres d'ailleurs, hein, puisque vous pouvez voir aussi notre rencontre avec Enrico Macias. Oui, ou Claude Barzotti encore. Et Claude Barzotti, absolument. Et puis on aura d'autres à venir, ça je peux vous le promettre. Avant de te laisser la parole, mon ami Sherlock, oui. Un petit message de la part de Patrick et Cyril qui nous écoutent, et notamment Patrick hein, qui a été subjugué par la petite vidéo que j'ai mise sur Facebook, notamment pour l'intervention de Marine. Voilà. Ok. Mais Patrick et Cyril, ça me dit quelque chose. Les Didis. C'est ça, oui. Ouais. Je me disais bien, ils ont un pseudo. Les Didis. Les Didis, comme celle qui est passée sous un pont. Ou... Non, elle n'est pas passée dessous, elle est passée dedans. Ouais, bon. Elle se l'est fait plafouer. Ouais, parce que ça fait une très grande différence. Elle sera encore là. Ouais. Oui, effectivement. Là, quand tu dis des trucs pareils, tu vas droit dans le mur, hein, je te le dis. Oh là là. Toi, si j'étais pas derrière la table, je te mettrais une tarte. Au mur. Oui. Hein. Alors je vais vous parler d'un film. Ah, une tarte au mur. Voilà. Oh, et voilà. Et vas-y, elle fait elle des. Claque tout sur la table. Oh punaise. Alors c'est la seule qui boit d'alcool, mais elle comprend rien du tout. Ouais. Ah non, c'est mais pas non, la mais... seule. Non, la solidarité des femmes. Ouais. Donc ici, et avec modération. Et je vous me rappelle. La modération est d'être autour de la table aussi, apparemment. Ouais. Voilà. Mais en fait, on est en train de fêter l'anniversaire de quelque part dans le monde. Ça doit être mon anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est comme Alice au Pays des Merveilles, c'est mon non-anniversaire. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. On boit qu'à une occasion quand c'est pas le nôtre, quoi. Quand c'est le nôtre. Ouais, sinon, toi, ça va les meupettes. Et voici le bébé de chaud. Sérieux, quand tu ris comme ça, on dirait Piggy. Ouais. Mon Kermitou. Mon Kermit. Ouais, je suis perdu moi. Non, c'est pas possible. Tu connais pas les Mopé Show? Bah, je vois les petites marionnettes, mais. Bah, tu connais pas Piggy la cochonne avec sa petite. Bon, on va laisser la place à Sherlock. Alors, ouais. Non, j'espère que tu as coupé le micro avant le rire de Marine, j'espère. Non, pas du tout. Ah, dommage. Comme ça, ce sera enregistré, ça pourrait être resamplé pour des chansons. Si Arnaud Tirard nous écoute, il peut reprendre le sample pour le mettre dans un. Moi, je vais y aller. Alors, donc, je vais vous parler d'un film donc, qui est sorti en 2000 et plus exactement le 27 décembre 2000. Un mercredi. Eh oui, effectivement, c'était un mercredi. La musique est de James Newton Howard. Ah, ça te parle déjà? Non, pas du tout. Ah, j'allais dire, sinon je suis vraiment dans la merde. Ouais, pas comme la fois. Alors, le film a fait 3 450 178 entrées au box-office français. Ah, quand même. Il a reçu deux prix, donc un Golden Trailer et un Bogey Award. C'est nouveau, ça. C'est des trucs qu'on connaît pas forcément. Et 6 nominations, notamment au Black Reel Awards, au Blockbuster Awards, au Saturn, etc. Ouais, bon. Donc si je vous dis Saturne déjà, ça veut dire c'est que c'est un mal à la tête. Saturne. Tu trouverais lui, il allait pas faire. Hein. Il faut que je prenne un cachet Saturne. Enrico, au château. C'est pas possible. Bon. Alors ici, franchement, les références Garcimore. Ça fait 30 ans qu'il est mort. Contrasté. Je vais vous faire une petite blague. Il te dit ça, j'adorais. Il y a des petites souris. Ça marche. Allez, reprenons notre sérieux là. Je vous rappelle qu'on a que 2 minutes d'antenne. Oui, pardon. Donc, ouais. Effectivement. Donc, je vais vous passer une première musique. J'espère que ça va vous dire quelque chose. Where you've heard about chanteur qu'on entend actuellement, c'est Stevie Ray Vaughan. Okay. Avec le titre Pride and Joy. Ah, j'adore. Est-ce que dans tout le film, il y a ce style de musique ou pas? Pas du tout. Oh, non, là, c'est une musique qu'on entend dans le film, mais c'est pas du tout le style de musique qu'on peut entendre dans le film. Est-ce que c'est un road movie? Pas du tout. Un spoof movie? Non un plus. Aussi. Un snuff movie, tu... Ça, je comprends, là, j'ai pas compris. Non, pas du tout. Tu pensais à quoi? À la même chose que toi, gros dégueulasse. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous donner un indice, donc un extrait de dialogue. Écoutez bien. Vous êtes vraiment sûr de ne jamais avoir été malade? À 75%. C'était pas sûr du tout, alors. Ça, c'est la faille numéro 1. Je vais finir par être extrêmement sceptique à propos de tout ça. À propos de quoi? J'ai présumé que vous n'aviez jamais été blessé. Est-ce que je me suis trompé? Papa a été blessé. C'est vrai ce que dit le petit? Oui, monsieur. Un accident de voiture quand j'étais étudiant. Grave. Il ne pouvait plus jouer au football. Pareil numéro 2. Et celle-là, elle est taille. Alors, est-ce que ça vous parle un peu? Marie, apparemment, oui. J'ai un doute, du coup, maintenant. Ah ah. Un indice, vas-y. Pour aider tes petits camarades autour de la table. Avec un fauteuil roulant, non? Je sais pas, non. Avec un fauteuil roulant. Il n'y a pas un monsieur avec un fauteuil roulant. Tu penses aux X-Men ou... Non. Pas un perchiste qui est en fauteuil roulant. Non, pas du tout. En fauteuil roulant, peut-être à un moment, oui. Ah. Peut-être un moment. Avec des livres et des choses comme ça. Des livres et des choses comme ça. Des bandes dessinées. Oui, effectivement. Ça parle de bandes dessinées et plus spécialement de comics. Ouais. C'était plus simple que fauteuil roulant. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu? Bah Marine, ça a l'air. Oui, bah Marine, ouais, forcément, apparemment, Marine a déjà trouvé. Ça m'étonne pas que ça te parle un peu plus. Ah, mais c'est bien, parce que pour une fois, c'est pas toi qui as trouvé, Harry. Bah non, c'est bien. Bon, alors peut-être avec... Si c'est Marine qui trouve. Peut-être avec cet extrait, écoutez bien. Il n'est pas chargé, il ne sait pas où sont les munitions. Dans le trophée que t'as remporté au football. Joseph, tu as chargé cette arme. Tu n'as rien à craindre. Elijah s'est trompé. Quand a-t-il rencontré Elijah? À la galerie avec moi. Personne ne le croit. Joseph, écoute-moi. Il peut arriver parfois que quelqu'un qui a été longtemps souffrant ou handicapé n'ait plus toute sa raison. Il croit des choses qui sont fausses. Il m'a raconté ce qu'il pense de ton père. Et c'est faux. Je vais te montrer. Tu te rappelles l'histoire du garçon qui manque de se noyer dans la piscine de l'école? C'était moi, le garçon dont il parlait. Oui, moi, et j'ai failli mourir. C'est pas des histoires, je t'assure, je m'en souvenais pas. Joseph, tu sais que ton père a été blessé quand il était étudiant. Tu es au courant, il a été blessé, tu le sais. Alors, la voix doit vous parler quand même, la voix ouais, de l'homme. Alors, ouais. Est-ce que c'est un rapport avec des films genre Le Sixième Sens? Oui. Bah oui, d'accord. Effectivement, ça a un rapport. C'est un gros rapport d'ailleurs, vu que c'est le même réalisateur. Ouais, donc voilà. Oui, c'est M. Night Shyamalan. Et d'ailleurs, dans le dernier film... oui. On fait allusion à ce film-là. Oui, effectivement. Voilà. Okay. Oh, mais non. Et je vais vous parler après. Un point dit que je dis les fins. Oui, bah c'est Marine. Mais c'est à cause de Marine qui avait. C'est grâce. Comment on dit là spoiler la fin du film. Ah oui, d'accord. Mais je l'avais exprès. Effectivement. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale qui n'a rien à voir du tout avec le film. Et on revient tout de suite après. Je vais vous donner donc des petites anecdotes sur le film. Forcément, vous allez me donner son titre juste avant. Bien sûr. Juste après. Oui, juste après. Mais enfin, juste après on la musique. Peut te le donner tout de suite si tu veux dire juste avant la ouais, première. Eh ben, écoute, vas-y, donne-moi le titre du film. Non, c'est Marine, hein, c'est elle qui a trouvé Marine la première. Vas-y, Marine. Bon, bah, Marine. Incassable. Oui, très bien. Donc, on se retrouve tout de suite vas-y. Après. Calogero et Pomme C. Le vice et le vide. mais mon écran formate les sentiments. Mais j'imagine qu'une machine ne peut que faire semblant. Ma DSL n'est pas vraiment réelle pour moi, c'est un homme et une femme, et c'est tout un programme, un ciel artificiel. Homme qui m'allume et qui me quitte, on s'aime trop vite, c'est la vie, c'est le virtuel. Un peu d'amour, copier-coller. Un peu d'amour téléchargé, un peu d'amour à sauver, à sauver. Mais l'amour n'est pas virtuel. Comme c'est un FM. Et c'était donc Calogero avec le titre Pomme C. Donc on est toujours sur RLM dans l'émission 120 au compteur. Et donc je vais vous parler du film Incassable. Bah oui, parce que vous m'avez donné le titre juste avant la coupure musicale. Donc le film Incassable donc, de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, Samuel Jackson, Robin Wright. Les autres, on les connaît moins, donc je ne vais pas les dire en fait. Donc c'est l'histoire de... bah oui, forcément. Donc c'est l'histoire d'Elijah Price qui souffre depuis sa naissance d'une forme d'ostéogénèse. S'il reçoit le moindre choc, ses os cassent comme des brindilles. Depuis son enfance, il n'a de cesse d'admirer les super-héros, des personnages qui sont tout l'opposé de lui-même. Propriétaire d'un magasin spécialisé dans les bandes dessinées, comme le disait Marine, il épluche pendant son temps libre les vieux articles de journaux à la recherche des plus grands désastres qui ont frappé les États-Unis. Il se met alors en quête d'éventuels survivants, mais il parvient rarement. Au même moment, un terrible accident ferroviaire fait 131 morts. Un seul des passagers en sort indemne. Et donc, c'est Bruce Willis qui en sort indemne. Et donc, bah, on va suivre un petit peu l'histoire de ces deux personnages. Pourquoi un petit peu ? Bah, complètement, même. Si, ouais, enfin, à moins qu'on s'endorme pendant le film, mais moi je l'ai trouvé assez prenant. Donc il faut savoir donc, que Julianne Moore avait été sollicitée pour se glisser dans la peau de Audrey Dunn, la femme de Bruce Willis à l'écran. Finalement, Moore a choisi de jouer Clarice Starling dans Hannibal de Ridley Scott, ah, oui. Ce qui a permis à Robin Wright d'incarner ce personnage. Tout comme le faisait Alfred Hitchcock, M. Night Shyamalan incarne un petit rôle dans le film, celui d'un homme se trouvant dans le stade et suspecté par Bruce Willis d'être un dealer. Le metteur en scène a effectué des caméos dans presque tous ses films. C'est vrai, ouais. Un peu comme Stephen King d'ailleurs. Oui, exact, ouais. Alors donc les initiales de David Dunn donc sont identiques D comme la plupart des super-héros. Oui, par exemple, comme la plupart des super-héros de Marvel, Matt Murdock pour Daredevil, Peter Parker pour Spider-Man, Bruce Banner pour Hulk, Reed Richards pour Mr. Fantastic des 4 Fantastiques, Sue Storm donc la femme invisible, Scott Summers c'est Cyclope, Warren Worthington c'est Angel. Et donc Stan Lee nommait ainsi ses héros en tant que moyen mnémotechnique, parce qu'au début il avait tellement de héros qu'il fallait qu'il trouve un moyen pour s'en souvenir. La thématique des super-héros donc, est très appuyée dans le film, avec notamment l'opposition entre gentil et méchant qui est très prononcée. On retrouve donc le gentil qui est le blanc, le méchant le noir, le vert et le violet, donc par rapport aux vêtements des personnages. Le chauve et le chevelu, les vêtements amples contre les vêtements moulants, les méchants, etc. Ça. De quoi? Le chauve? Non, non, c'est le gentil dans l'histoire. Ah, d'accord. De même, de nombreux plans renforcent cette idée, tel David portant sa femme Audrey alors qu'il monte l'escalier, le plan donnant l'impression que le couple vole, ou encore le moment où David sort de la piscine et se relève devant deux enfants, le plan ne laissant entrevoir que le bas de ses jambes et le bas de son imperméable flottant tel une cape. Tout ça, c'est des plans en fait qui ont été vraiment pensés par Shyamalan, parce qu'il voulait que ça fasse vraiment film de super-héros. Mais c'est pas mal. Et donc, le film Split, qui est sorti en 2016, donc du même réalisateur, ah non, se termine. Faire, tu vas pas nous faire ce coup-là quand même. Si, je suis obligé, parce que je dois parler d'autre chose. Donc, il se termine donc par l'apparition de Bruce Willis, qui reprend son personnage de David Dunn. Shyamalan a dû demander d'ailleurs l'autorisation d'utiliser le personnage à Walt Disney Pictures, qui détient les droits d'Incassable, vu que c'est un film Touchstone. Donc, ils ont alors trouvé un arrangement stipulant que Shyamalan peut utiliser le personnage, mais que Disney devra être impliqué dans la production d'une éventuelle suite. Et donc, l'éventuelle suite va arriver. Le troisième volet devrait donc sortir le 18 janvier 2019. Et normalement, il s'intitulera Glass. Glass, G-L-A-2-S, ouais. Qui veut dire vert. Vert, en rapport avec Incassable, et Split qui veut dire se briser en fait. Donc tout ça est lié. Voilà. Merci pour cette rétrospective. Je pense que tout le monde a vu Incassable. Non. Ah si. Bah oui. Non. Non, toi, Onissa, de toute façon, t'as rien vu toi. Donc, d'ailleurs, pour Onissa, si tu pouvais faire une chronique Plus belle la vie, au moins elle serait. Bon, alors qu'est-ce que tu regardais Joséphine Ange Gardien à la télé. Ah, bah ouais, non, mais ça, elle a joué dedans, c'est pas pareil. Parce que c'est un ange, c'est mignon. Non, c'est parce qu'elle ressemble à Mimi Mati, c'est tout. Bah, je sais ce que la situation, désolé. Moi, j'ai regardé Récréa 2. Croque Vacances. Ouais, Croque Vacances. Et puis. Le manager. Le samedi soir sur Canal Plus. Non, je regardais Top 50. Ah ouais. Ouais, mais dis pas que t'as jamais été au cinéma quand même. Si, avec mes enfants quand j'avais un peu plus. Bon, ok. Et j'ai été que deux fois. Et la première fois que je suis allée au cinéma, c'était avec l'école et j'étais voir Les 101 Dalmatiens. Il y avait encore quelqu'un derrière la caméra qui tournait la manivelle. Ah, est cruel. Et d'ailleurs, le film, c'était l'entrée du train en gare de la Ciotat. Allez, on se retrouve après Kyo et ton mec et Daft Punk avec One More Time. Il te fait perdre pied, la tête et les pédales. Ton inconnu est un pavé dans la mare des jours qui passent. De ses lèvres bien ajustées coulent des accents de bibliothèque. À croire qu'il ferait tout ou presque mieux que ton mec. Ton mec. Neuf comme un nouveau lycée. Comme le miroir des premières fois, ton inconnu t'a remarqué dans la couleur de ton choix, dans les tissus les plus légers, dans ton uniforme de nymphette, celui qu'il y a quelques années aurait fait chavirer ton mec. Il a la gâchette facile, ton inconnu te réinvente à l'halogène de son désir. Il est l'homme des superlatifs, pas celui des fins de mois. Ton inconnu ne parle pas de chiffres ni de sport le dimanche soir. Alors le sourire aux yeux et les larmes aux lèvres, tu lui donnes un bout de toi. Tu abolis les privilèges de ton mec. Et le goût de l'amertume, de la lumière bon marché. Dans ses mauvaises habitudes, tu observes ton garde-côte. Alors seulement tu réalises que ton mec est l'inconnu d'une autre. more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. Celebration, you know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate. RLM 107.9 FM. RLM. Toujours évidemment dans l'émission 120 au compteur avec toute la bande de ouf qui est autour de la table avec Odissa évidemment. Eh oui. Marine. Oui. J'ai dit bande de ouf. Oui. Pas trop non plus, calme-toi. Je sais pas du coup. Avec Sherlock évidemment. Oui, bonsoir. Et avec Harry. Ah ben oui, bien sûr. Et donc on parlait. Il a l'air d'être ouf lui. C'est vrai, ouais, bien t'as sûr. L'air d'être ouf aussi. Ah oui. Ah, ben voilà. Oui. Yeah. Oh, yeah. Ouais, bah, c'est bon. Et ça y est, on l'a réveillé. Ouh là là. Alors voilà. Je voulais vous parler. Bah, on parle de plein d'événements. Évidemment, on vous a parlé de sorties dans la région à Moucron. On vous a parlé donc de la soirée de Jean-Marie Houdemaker hein, qui aura lieu le 13 octobre. On vous a parlé aussi également donc d'un spectacle qui s'intitule Paris on t'aime. Et là, j'ai envie de vous parler aussi d'un événement qui va vraiment marquer le mois d'octobre puisque ça va être la Delta Fête. Donc la Delta Fête, qu'est-ce que la Delta Fête? Qu'est-ce que la Delta Fête? Bah, c'est oui. quoi la Delta Fête? Alors, vous connaissez très certainement, si vous êtes du coin, le Delta, hein, qui est une maison du peuple. Voilà, donc c'est un énorme complexe. Vous avez une salle de sport et vous avez... Une salle de danse aussi, je danse le lundi soir. Voilà, vous avez des salles de réception et bah, ils sont en pleine réflexion. Donc, c'est ce que j'aime là. En pleine réflexion. Ouais, mais mettons sur le ton. Donc, en pleine réflexion, donc ils sont en train de tout refaire. Hein, et évidemment, j'y suis allé tout à l'heure et ça va vraiment devenir un beau complexe. Et pour fêter l'événement, justement, pour faire l'inauguration, donc il va y avoir donc ce qu'on appelle la Delta Fête le 5, le 6 et le 7 octobre. Et là, il va y avoir alors une multitude d'artistes. Il y aura une quinzaine d'artistes qui vont se succéder sur scène. Et la soirée, enfin en tout cas l'événement commence le vendredi 5 octobre, donc à partir de 11h du matin jusqu'à 18h. Donc là c'est concrètement l'inauguration donc du Delta qui va dorénavant s'appeler le Delta Solidaris. Et là vous aurez donc un apéro repas avec ambiance plutôt guinguette. Et vous aurez donc une animation qui sera proposée par Gibbs Vocali. Et oui, notre canon à yes. Voilà, il y aura Antonio aussi qui sera là, et Pamela, donc chanteuse qui fait de la variété francophone et anglophone. À 19h, on va embrayer sur une soirée dance party 1980-90 avec notre ami Stéphane. Bien. Voilà, donc ça va être une première belle journée. Ensuite, le samedi 6 octobre, donc le lendemain, pareil, hein, toujours un apéro, repas et animation familiale pour les enfants. Il y aura des jeux d'enfants, il y aura des baudets pour Marine par exemple. Cool. Il y aura Valou le clown qui sera là. Il y aura Magic Maxime, pour lequel j'ai eu aussi le plaisir de faire un numéro de magie. Et qui ouais, est sympa. Oui. Magic Maxime sera là. À partir de 19h30, il y aura Blue and the Soul Brothers. Yeah. Alors, avec Marie, évidemment, entre autres. Donc, ce sera plutôt musique, ambiance, soul, pop and funk. Il y aura Gibbs Vocali. Ah, yes, oui. Alors, là, up. Il va nous balayer du Sinatra jusqu'au Depeche Mode qui viendra donc se produire à partir de 20h30. À 21h30, on aura Marco qui est le sosie vocal de Johnny. Oui. Voilà, et qui, bah, pour rendre hommage à Johnny, effectivement, c'était une bonne période. Donc ça, ce sera le samedi. Le dimanche 7, donc à partir de 11h. Alors là, il y aura la rétro fanfare. Ah bien. Oh, oui. Ah bah alors là, ils vont te mettre le feu. Ah, ils vont mettre le feu. Une ambiance, en juste après voilà, Johnny, c'est nickel. Rétro fanfare, qui est un groupe de Waterloo et qui fait de la fanfare. Mais attention, quand on dit rétro fanfare, ils aiment pas beaucoup hein, quand on dit qu'ils font de la fanfare, parce qu'en réalité, donc ce sont un ensemble de cuivres et de percussions, et ils reprennent des titres d'aujourd'hui, version fanfare. Et vraiment, ils mettent le feu et l'ambiance. À 11h45, il y aura donc Pat. Alors Pat, lui, ça va être l'ambiance un petit peu à la Patrick Sébastien, tourner les serviettes. C'est génial. Donc ça va être, il va mettre de l'ambiance, je peux vous le dire. Je me suis fait la tête d'un slip. Festive. Il y aura ensuite à 12h30 notre ami Tivoti. Ah, très bien. Notre ami chanteur, auteur, compositeur qui viendra donc faire un set d'une heure et demie. Ensuite, il y aura Richard Alexandre. Ouais. Oui, à partir de 14h, qui est actuellement champion d'Europe Euroquet, et qui est en train ce soir de passer le concours du championnat du monde à Paris avec dans le jury Giantel. Et d'ailleurs, Canon est en train de l'accompagner. À 15h, on aura Émilie. Émilie, on la connaît aussi sur Boucron, hein, la boîte à musique d'Émilie, qui viendra aussi pousser la chansonnette. Et ensuite, ce sera suivi par l'orchestre Sébastien. Qui met une ambiance superbe. Alors, autant vous dire que ça va être une super belle programmation. Vous pouvez venir tous les jours. Entrée libre, c'est gratuit, c'est du 5 au 7 octobre. C'est génial, franchement. Et ça se passe donc au Delta, le café Le Delta, qui nous écoute d'ailleurs. Et je salue au passage. Eh ben, on leur passe le bonsoir. Voilà, le bonjour. À Bruno et Hélène qui tiennent d'une main de fer Le Delta. Et qui sont aussi à l'initiative de ce projet-là. Et alors il y a toute une équipe, hein, je pense à Guy et tous les gens qui aident pour organiser ça. Et Canon aussi qui s'occupe de toute la direction donc artistique. On vous en reparlera. Et puis voilà. Donc je pense que c'est un bel événement. Et ce sera à partir du 5 octobre jusqu'au 7 octobre.

been dangerously. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et je suis sûr que vous avez très certainement envie de sortir au cinéma. Il va y avoir plein de films et Sherlock va vous convaincre. J'allais voir, je sais pas. Mais j'espère. Qui fait alors, la sélection hein. Bah oui, bah écoute, après je fais ce que je peux avec ce qui sort également. Alors je vais commencer par les sorties belgiques avec le film Black Clansman. C'est un film de Spike Lee, ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas entendu parler de Spike Lee. Et donc c'est avec John David Washington, Adam Driver qui jouait Kylo Ren dans Star Wars, les derniers, hein, le grand méchant, et Laura Harrier. Donc ça sort en France le 22 septembre. Donc ça se passe au début des années 70, c'est tiré d'une histoire vraie, il faut savoir. Donc c'est au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier noir américain du Colorado Springs Police Department. Mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité par les agents les moins gradés du commissariat. Donc, prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et peut-être de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses, infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. Alors un policier black qui infiltre le Ku Klux Klan, effectivement. Ouais, tu peux déjà y aller, hein. Donc ah oui, c'est oui, pour oui, ça oui, que. Mais non. Arrête de dire pardon. C'est pour ça en fait qu'il va être aidé par donc Adam Driver dans le film. En gros, ils vont jouer la même personne. Une personne qui chapeaute le tout, donc qui est le policier black, et une autre qui s'infiltre vraiment parmi le Ku Klux Klan, donc qui est blanc. Bon, ouais. Qui est juif quand même, mais qui est blanc. Et donc ensuite je continue avec le film L'amour est une fête avec Philippe Lelouch, Guillaume Canet et Camille Raza. C'est un film de Cédric Anger. Ça sort également, enfin c'est sorti également en France donc hier. Ça se passe à Paris en 1982. Donc patron d'un pipe show, le Mirodrome, criblé de dettes, Franck et Serge ont l'idée de produire des petits films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. Eh oui, bah oui, oh, je parle cool. De choses comme ça. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l'attention de leurs concurrents. Un soir, des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c'est que nos deux entrepreneurs sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le business du X parisien. Donc c'est le début d'une aventure dans le cinéma pornographique du début des années 80 qui va les entraîner loin, très loin. Il y a Clara Morgan ? Je ne pense pas, non, dans les années 80, elle n'y était pas. C'est tiré l'infé réel ? Je ne sais pas. Ah, par contre, je ne sais pas. Je vais essayer de me renseigner. Je vais aller voir quelques actrices. Tirer tout court. Oui, pourquoi pas. Tirer par les cheveux, peut-être aussi. Mais, C'est ça. Alors, donc, est sorti hier en France et en Belgique également Carnage chez les Puppets. Attention. Ah, j'adore. Ce n'est pas un film pour les enfants. Ah, tout non. Comme Sausage Party, ouais. Qui n'était pas un film d'animation pour ça les enfants. Là, c'est un film pour adultes avec des marionnettes. Ouais. Donc, c'est avec Melissa McCarthy, Elizabeth Banks et Joel McHale. C'est un film de Brian Henson, donc qui est le papa des Muppets. Ouais. Brian, non, c'est Jim. Oui, c'est ça. Bah, c'est peut-être son fils. Hein, alors. C'est son fils plutôt. Ouais, donc, ça se passe dans les bas-fonds de Los Angeles. Les marionnettes vivent comme des citoyens de seconde zone aux côtés des humains. Un tueur en série s'en prend aux marionnettes célèbres de l'émission pour enfants The Happy Time Gang. La détective Edwards se voit forcée de collaborer à nouveau avec son ancien partenaire Phil Phillips, une marionnette, pour résoudre cette sombre affaire. Lorsqu'il s'avère que la victime suivante n'est autre que Jenny, l'ex-petite amie de Phil, tout le désigne comme coupable. Donc effectivement, c'est plein de grossièreté dans le film. Ah, c'est énorme. Ouais. Mais franchement, le film, je pense, il vaut vraiment le détour. Ouais. C'est, bon, la bande-annonce, déjà. La bande-annonce, c'est hilarante. Ouais. Donc moi franchement je pense que c'est un très bon film à voir. Et enfin je vais finir avec un style de film qu'affectionne Harry. C'est La Nonne. Pas La Nonne Nature comme le chinoise, disaient hein. les nuls. C'est de quoi chinoise. Je sais pas si c'est. Elle est pas jaune la nonne. Non. Oh non. Tu sens. Donc La Nonne, donc c'est avec Damien Bichir, Thaïsa Farmiga et Jonas Blockett. C'est un film de Corinne Hardy et ça c'est sorti le 12 septembre donc en Belgique. Et donc quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Alors forcément, dès le départ, le scénario est bancal parce qu'il nomme un prêtre au passé trouble. Déjà, tu te dis, bon, il y a un problème. Et une jeune. Bah, un prêtre belge. Oh. Je sais pas. Donc, risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci, à que de rien, entre les vivants et les damnés. Eh ben voilà. Ouais. Tout ceci, cela. Alors, tour de table rapide, Onissa, t'irais voir quoi ? Sexe. Quoi ? Sexe. Ouais, j'hésite, tu... L'amour est une fête avec les films pornographiques, c'est ça ? Ouais, d'accord, ok. Ouais. Marine ? Bah moi j'hésite entre La Nonne et L'Amour est une fête aussi. Bah viens, on prendra l'offre. Ouais, on va y aller à deux. Ok, Harry. Ah bah moi le Muppet, hein, Carnage, c'est quoi le titre exactement ? C'est Carnage chez les Puppets. Chez les Puppets. Ouais, chez les Puppets. Pas les Puppets, hein. Eh ben, je crois que je prendrai un off-site avec bah toi. Ouais, non, mais je vous invite fortement à aller voir la bande-annonce. C'est plutôt choquant, d'ailleurs. Si, bah ouais, attends, si t'es. C'est super choquant. Ouais, non, franchement, ça m'a l'air vraiment sympa. Quand j'ai vu la bande-annonce, mais j'étais plié. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont pas osé. Ah, si. Bah ouais, effectivement. Bon, allez, on se retrouve tout de suite après une coupure musicale et je pense qu'on. Pense pas, mets de la musique. D'accord, ouais, allez, c'est parti. Y'a pas de malaise ce soir. y'a pas mal à l'aise ce soir. Faut que je me branche dans la foule. You what? Sur les plages de Théoul. You like? Près du phare open bar. You what? Y'a pas mal à l'aise ce soir. Faut que je m'ambiance pour la nuit. You what? Tu me jettes un regard. 107.9 FM. Et c'était. C'était donc Carly Rae Jepsen avec Call Me Maybe. Et juste avant, c'était François Feldman avec son dernier titre, You Want Every Night. Je savais pas qu'il chante encore, lui. Ouais, il y a rien de loin, lui, hein, quand même. Bah ouais, c'est vrai. Il aurait lui fait dresser là-bas. Hein. Non, mais après, pourquoi pas, on aime ou on n'aime pas. Bah, moi, j'aime pas. Voilà. D'accord, mais il y a Gilbert Montagnier aussi qui a sorti un album. Ah non, mais lui, c'est pas pareil. Hein. Ah, coup, ah lui, je peux pas le voir. Ah, bah lui non plus. Ah d'ailleurs j'ai une petite blague là-dessus. Ah vas-y. On a plus le temps. Vas-y. Rapide, si, si. Tu sais ce qu'il fait avec du papier de verre? Non. Il dit oh c'est écrit serré. Oh non. Quelle horreur. Ah bah moi je l'ai. Moi je me suis fait doubler la dernière fois par Gilbert Montagnier. Il était en moto sur l'autoroute. Ouais. Et, tu sais comment je l'ai reconnu? Non. Parce qu'il se tenait à la rambarde en fait. Voilà. Le pauvre. Et un jour on l'aura peut-être en interview. Oui bah peut-être, bah, mais j'espère. Bien, j'espère parce qu'il a beaucoup d'humour là-dessus. Ouais, donc, franchement, ouais. Franchement bah, j'adorerais. Bah pourquoi non, mais, si il pourrait être. Et il est pas aveugle de naissance, hein, donc ça aurait. Oh, ça doit être pire ça. C'est vrai. De quoi d'être aveugle de naissance? Bah, non, de pas être aveugle de naissance. Bah faudra lui demander. Si on l'a en interview, tu lui demandes. Non, mais Jules, c'est pas pire que d'être aveugle de naissance. Bah non, moi il connaît les couleurs. Ouais, mais tu dis du jour au lendemain, tu vois plus rien. La couleur du soleil. Ça doit être horrible. Sinon, je préfère ne jamais voir que de voir un petit peu. Et bah tais-toi plutôt. Mais non, mais je dis. Oh, c'est bon. Mais je plaisante. Oh, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pas mieux de naissance par contre. Ouais, c'est évident. Mais t'as appris à parler il n'y a pas longtemps. Ouais. Elle était muette jusqu'à il y a 3-4 mois. Voilà, on l'a, vous êtes foutu maintenant, on l'a décoincé. Voilà, on l'a complètement décoincé. Ils vont m'assommer maintenant. Bon, bah, il nous reste quelques instants pour nous quitter. Oui, comme quoi, quand on est bien, quand on se sent bien, ça passe très vite. Le temps de remercier Nachronique Donissa. Mais c'était un gros plaisir pour moi. Un gros plaisir. Ouais, un grand et gros plaisir. T'es dans une émission là. Bah, j'espère que les auditeurs ils ont pris aussi le. J'espère qu'ils ont pris du plaisir. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, si vous avez pris du plaisir ou pas, balancez-nous vos messages sur notre page Facebook 120 au compteur. Des messages. Voilà, donc des messages sur Onissa par exemple, et on sera un plaisir de mettre des photos d'Onissa. Comme ça, peut-être. Oh, non, on va perdre des auditeurs. Ou en gagner, on ne sait pas, on verra bien. On remercie aussi Marine qui nous a parlé aussi d'actualité de la région. Voilà. Donc les 24 heures la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est noté. Ouais. Il y aura d'autres événements évidemment, mais on en parlera dans les prochaines émissions. Et puis on aura d'autres invités, ça c'est promis. Sherlock, merci pour les sorties Cinoche. Mais je vous en prie. Et la chronique. Et la chronique, bah, c'est pareil, sorties Cinoche. Ah non, c'est pas la même chose. Rétrociné, sorties Cinoche, voilà. Voilà. Et bien en tout cas, portez-vous bien, restez bien sûr à l'écoute. Merci Harry quand même, on t'a pas dit au revoir. Mais oui. Mais oui, mais moi c'est pas grave. Mais si, c'est important. Merci. Bon, ben, je vous remercie. Tu es le ciment de l'émission. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est ça, et toi t'es c'est quoi? C'est plutôt la truelle, moi. Je suis la truelle. C'est joli. Bon, allez, bah, portez-vous bien, restez à l'écoute de RLM et on se retrouve donc la semaine prochaine, donc du coup jeudi prochain, oui. Donc à partir de 20h sur le 107.9. Allez. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao, bisous, bye. Ciao.